cours du XVIe siècle, les rôles des villes phares de Florence, connues un déclin certain, bien qu'encore glorieux, dans le domaine des arts figuratifs et de l'architecture. Mais elle sut se gagner et conserver fort longtemps une célébrité et un prestige international dans l'art élitaire des pierres dures. S'inspirant des modèles de l'antique opus sectile, la marqueterie des pierres polychromes connut un nouvel essor dans la Rome du XVIe siècle. Les marbres colorés que la Rome impériale avait fait venir des contrées les plus diverses, placés sous sa domination, étaient récupérés dans l'immense carrière en plein air qu'offraient les ruines de l'urbe et réutilisés dans des marqueteries décoratives des styles classiques destinées à des revêtements architecturaux ou à des somptueuses tables d'apparat. Ici encore, un opus sectile, pas avec des décorations abstraites, mais avec des motifs de vases. Vous voyez, c'est dans le baptistère de San Giovanni Laterano du IVe siècle. Et après, un sujet pareil, mais bien plus monumental, ce vase fait à Commesso, à marqueterie, des marbres archéologiques dans l'église de Santa Pudenziana à Roma, à la fin du XVIe siècle, et encore une image d'une marqueterie romaine, cette un dessus des tables. Ce modèle, c'est typique de la production romaine du XVIe siècle, qui privilège pour les centres un grand bloc de marbres, en ce cas c'est un albâtre, et puis des contours avec des motifs classiques comme des peltes, c'est-à-dire ces motifs-là que vous avez vus dans la première image de l'incrustation du IVe siècle. C'est donc sur Rome que se fixèrent les regards et l'intérêt des amateurs et des collectionneurs, vite nombreux, de cette nouvelle typologie d'œuvres d'art. Et l'on ne saurait s'étonner que les cours de Catherine de Médicis, de François Ier de Médicis et de Rodolphe II d'Habsbourg se soient disputés un lapicide d'origine française, Jean Maynard, en italien appelé le Franciosino, actif à Rome dans l'entourage de Michel-Ange et apprécié plus que tout autre pour ses tables marquetées. Le Franciosino opta pour son pays d'origine. Il retourna de Rome en France et se mit en 1579 au service de la cour de Catherine de Médicis, où il mourut 5 ans plus tard. Ce que l'on sait de sa prédominance comme maître de table n'a pu jusqu'à présent être démontré par d'œuvres qui lui soient attribuables en toute certitude. Mais il n'est pas exclu que l'avenir n'apporte de nouvelles découvertes, ce domaine de la production artistique pouvant encore réserver bien des surprises. Si c'est à Rome donc que furent jetées les bases du goût et de la diffusion internationale des marqueteries polychromes, c'est Florence qui, très vite, se distingua comme centre hautement spécialisé dans les mosaïques et un taille de pierres dures. Et c'est là, de l'époque de François de Médicis, prince d'une culture et d'un goût aussi vaste que raffiné, et expérimentateur passionné de la nature et de l'art. Dans sa résidence privée du Casino di San Marco, François avait regroupé, dès les années 60 du XVIe siècle, des ateliers d'artistes et d'artisans se consacrant à des manufactures rares et précieuses, et jusqu'ici quasiment absentes de Florence, telles que les porcelains imitant celles de Chine. Voilà une aiguière en porcelaine médicéenne, c'est-à-dire faite dans l'atelier de François Ier à l'imitation de la porcelaine de Chine, les verres soufflés, les pierreries vraies et fausses, et par-dessus tout, les pierres dures. Vous voyez ici les célèbres vases en lapis, liés en or et émaux, au Museo degli Argenti de Florence, fait en 1587 sur dessin de Buontalenti par les ateliers de maîtres venus de Milan et liés par le joaillier Jacques Billivel, qui était originaire de Delft. Le succès que les pierres dures remportèrent à Florence et ailleurs est en partie dû à la masse de signification alchimique, astrale et naturelle que l'on attribuait alors aux pierres, la beauté certaine de la matière, qui plus est inaltérable, était mise en valeur par un travail artistique qui demandait à la fois de la fantaisie et une virtuosité technique, des qualités pareillement appréciées par le goût sophistiqué du maniérisme. Tous ces éléments firent que les ateliers florentins travaillant pour François de Médicis se distinguèrent bien vite de la production romaine, basée sur des marbres archéologiques et sur d'élégantes mais quelque peu répétitives compositions de décors abstraits. Vous voyez un autre dessus de table romain, pas trop loin de ce que nous avons déjà vu. Et que les travaux de Florence attirèrent rapidement l'attention de l'Europe cultivée de l'époque sur la toute nouvelle manufacture créée par François. Nombreux furent ceux qui parlèrent dans leurs écrits de François de Médicis et des trésors qui naissaient dans ses ateliers. Parmi eux, Michel de Montaigne, bien sûr, et avant lui, un autre voyageur français, Lodebert, qui, en 1577, vit dans les casinos de San Marco une, je vais citer, table couverte de pierres précieuses rapportées ensemble, ce qui n'est encore achevé. On serait tenté de reconnaître dans cette table en cours de réalisation les dessus de table carrée du Museo degli Argenti, où, sur un fond de marbre blanc, est marquetée et commessa, c'est-à-dire rapportée, comme disait Lodebert, une géométrie énigmatique, peut-être un tracé astral chiffré en jaspe polychrome. Giorgio Vasari, le genius loci de la cour médicienne, mentionne lui aussi les tables aux pierres précieuses rapportées que dans les années 60, François de Médicis faisait réaliser d'après ses dessins par ce même tailleur florentin, Bernardino di Porfirio, qui avait exécuté au cours de la décennie précédente pour les marchands Bindo Altoviti, et là encore sur un dessin de Vasari, un dessus de table à 8 angles en bois marqueté de jaspe d'ivoire que je pense de reconnaître dans ces tables qui se trouvent à Rome dans la collection de la Banque de Rome. Les goûts de la géométrie et les mystérieuses abstractions des mosaïques florentines prisées par François, voilà encore une œuvre de la période, de l'époque de François, c'est ce qui reste d'un petit cabinet perdu, c'est les plateaux qui se trouvaient à l'intérieur de ce cabinet. Et vous voyez, il y a aussi, comme dans la table carrée, un goût pour la géométrie et pour les pierres valuées en soi par soi, pas par l'imagine, comme sera plus tard. Avec le règne de son frère Ferdinand Ier, qui en 1588 transforma les ateliers privés du Casino di San Marco en une manufacture d'État installée aux offices, ces géométries cédèrent les pas à d'ambitieuses œuvres figuratives qui reprirent avec succès tous les thèmes représentés en peinture, de la nature morte. Voilà un grand panneau avec une plante d'orange dans le Victoria and Albert Museum. Le paysage, c'est un paysage du début du XVIIe siècle, le modèle est peint par Bernardino Poccetti, et c'est le premier cas d'un peintre florentin qui fait un sujet exclusivement du paysage, parce que vous savez que la peinture florentine était très liée à la figure, elle avait une tradition ancienne qui valorisait la figure, et les peintres florentins n'avaient pas le courage de peindre seulement des paysages. Le courage arrive à Bernardino Poccetti pour la pierre dure. Alors, ce n'est pas une imitation de la peinture, comme quelquefois on a dit, la mosaïque en pierre dure, mais c'est une art originale et en quelquefois c'est plus original que la peinture. Autre sujet du temps de l'époque de Ferdinand Ier, la vue des villes, en ce cas c'est le port de Livorno, les portraits de Cosimo Ier, l'histoire sacrée, ici c'est l'histoire de Melchisedec. Tous ces sujets ont été réalisés dans la période pas trop longue du règne de Ferdinand Ier, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe. Comme l'écrit le grand-duc Ferdinand, promoteur de ces tournants, cette nouvelle façon de représenter avec de marbre rapporté les sujets les plus divers valut de la fin du XVIe siècle et pendant trois siècles encore aux mosaïques florentines leur spécificité et leur indiscutable suprématie. On les doit à l'originalité et à la qualité de l'invention, toujours confiée à un artiste créatif, architecte ou plus souvent peintre ou sculpteur, à l'habileté de maître qui traduisait avec une extrême ductilité les modèles dans les langages expressifs des pierres, à la préciosité des matériaux accumulés par les premiers grands-ducs Médicis dans des réserves aujourd'hui encore non épuisées. Voilà des blocs de jaspe, de Sicile, des bagues et des porphyres qui sont venus de Rome à la fin du XVIe siècle, qui se trouvent encore dans la cour de l'Opificio delle Pietre Dure à Florence. Et ces matériaux comptaient une gamme unique au monde des pierres provenant de tout le monde alors connu, de la Bohême à l'Allemagne, de la Corse à la Sicile, jusqu'à la Perse à l'Inde, sans bien sûr oublier les terres du Grand-Duché de Toscane, d'où venaient les jaspes de Bagues, les agates des Siens, les chalcédoines de Voltaire. Ici vous voyez le jaspe des Bohémiens, quelques échantillons des 600 et plus échantillons que nous avons dans notre musée. Les jaspes de Sicile, une typologie des jaspes de Sicile. L'agata qui, on dit, de Goa, mais je ne sais pas si à Goa il y a ce type d'agate qui est très belle avec ce rouge profond, avant, encore. Et les jaspes de Bargues, en ce cas-là, c'est un jaspe qui vient du nord de la Toscane, de la région de Lucca, encore. La prochaine. La virtuosité technique fut l'un des plus grands mérites de la manufacture de Florence et dès ses débuts atteignit un niveau d'excellence absolument sans égal. Elle fut à l'origine le patrimoine, plus tard partagé par d'autres artisans florentins ou non, des ateliers de Caroni et de Gaffurri que François de Médicis avait fait venir de Milan, ville spécialisée dès le Moyen-Âge dans l'entaille de pierres dures. Mais à cette compétence initiale dans l'entaille de vases, vous voyez ici un des nombreux vases taillés à Florence par les Milanesi Gaffurri et Caroni, et c'est dans le musée degli Argenti, le maître milanais sut bien vite ajouter la capacité de travailler les pierres dures aussi bien en ronde bosse. Selon la nouvelle typologie née justement dans la manufacture de Ferdinand Ier et que l'on peut appeler sculpture en mosaïque, que dans la forme à deux dimensions de la mosaïque ou commesso. Et dans ce petit objet très précieux qui se trouve à Vienne, au Kunsthistorisches Museum, vous voyez les deux techniques ensemble, le fond est réalisé, le paysage en mosaïque, et les deux figures sont taillées en différents pierres polychromes, c'est un mosaïque, une sculpture en mosaïque. Mais il ne faudrait pas croire que les deux différentes façons, la mosaïque et la sculpture, de travailler les pierres siliceuses étaient alors chose courante. La preuve en est qu'un artiste aussi expérimenté dans l'art de la glyptique que Ottavio Miseroni, appelé de Milan à Prague par Rodolphe II de Habsbourg, ne se lança jamais dans les commessi, bien qu'il tailla les pierres aussi bien en forme de vase que des mosaïques en relief. Vous voyez ici, il a fait beaucoup de vases qui sont liés en or, en émaux, et aussi des mosaïques plutôt pareilles à ce qu'on faisait à Florence. Vous voyez ici un médaillon avec la Sainte Madeleine, mais jamais il a fait de mosaïques. Et Rodolphe II, grand amateur de ses œuvres, surtout après avoir fait faire dans la manufacture de Florence le dessus de table réalisé par Stefano Caroni et fort admiré de ses contemporains, fit venir de Florence à Prague Giovanni Castrucci pour disposer de sa propre manufacture de mosaïques florentines. Et ici vous voyez une des productions de l'atelier de Castrucci, il s'agit d'une vue de Prague et du château. Et les descendants de Castrucci, les fils, son neveu, continuèrent à produire pendant une trentaine d'années jusqu'à la fin de la vie de Rodolphe II. comme dans un jeu de miroir renvoyant d'un endroit à l'autre l'éclat des pierres dures, comme deux de Médicis, le fils de Ferdinand, quant à lui, s'adressa à la manufacture de Prague pour y faire réaliser le banquet d'Abraham. Ah non, ceci c'est encore une œuvre de Prague, c'est une table qui se trouve dans la collection Liechtenstein, c'est de la 1620 à peu près, et je pense que c'est important, pas sa beauté, mais parce que peut-être elle conserve un certain souvenir de la perdue table pour l'empereur, la célèbre table qu'on disait avait des paysages et des trophées militaires, comme nous voyons ici dans cette table. Mais les panneaux que comme des a fait faire à Prague, dans la nouvelle manufacture de l'empereur, c'est le banquet d'Abraham destiné à l'hôtel de la Chapelle des Princes, entièrement fait de jaspe de bohème, bohème présente également dans les vêtements d'Abraham, que l'on peut difficilement penser avoir été imaginé par Bernardino Pocetti, auteur à Florence du modèle de ses commesso. La peinture a été faite à Florence et puis envoyée pour la traduction en mosaïque de jaspe de bohème à Prague. La notoriété internationale qu'acquirent très vite les mosaïques florentines fut largement accentuée par ce que nous pourrions appeler la politique de don menée par les grands ducs de Toscane, lesquels, conscients de l'importance politique toute relative de leur petit État, prodiguaient aux autres souverains et aux puissants d'Europe les créations de leur manufacture exclusive, qui étaient autant des témoignages de la richesse, de la munificence et du raffinement de seigneur de Toscane. Parmi les présents que Marie de Médicis apportait à son époux le roi de France, figurait un portrait d'Henri IV en commesso de pierre dure, pareil à ceux de Cosimo Ier, je pense, aujourd'hui perdu, dont l'opificio conserve le modèle à l'huile peint par Santi di Tito. Et le modèle, nous voyons et nous savons par les documents, a été inspiré sur ces portraits envoyés à ce but de la cour de France à Florence. En France, le magistral Franciosino, au service de Catherine de Médicis, n'a pas dû avoir de successeur, puisque c'est des rangs qui proviennent une des pièces plus célèbres du XVIIe siècle, la table de la galerie d'Apollon au Louvre, ayant appartenu au cardinal de Richelieu. De même que Mazarin, grand amateur de marqueterie polychrome et propriétaire des tables et d'un nombre encore plus important de cabinets, mentionnés dans les inventaires de ses collections comme des ouvrages de Florence, et je pense que vient de Florence cette grande table en marbre blanc marquetée avec lapis et pierre tendre qui se trouve au Jardin des Plantes à Paris. Et Mazarin entretenait à ce sujet d'étroites relations avec l'abbé florentin Luigi Strozzi, chargé de lui procurer des ouvrages en mosaïque dans des ateliers nés à Florence, plus ou moins abusivement, à l'ombre de la manufacture des grands-ducs. Et il disait dans ses lettres que les laboratoires privés de Florence profitaient de la présence du laboratoire grand-ducal, qui était exclusif, ne vendait pas ses productions, pour faire payer plus cher les travaux. Il est d'ailleurs notoire, et je ne m'arrêterai pas sur un thème qui sera évoqué dans la séance de demain, que pour lancer l'atelier de pierre dure créé par Louis XIV au Gobelin en 1668, Colbert avait fait venir de Florence trois spécialistes conduits par Ferdinando Migliorini, qui dans la manufacture médicienne s'était familiarisé autant avec l'entaille en relief qu'avec les commesso. Ce fut là, celle de Paris, la seconde manufacture royale née au XVIIe siècle d'une côte de la fabrique florentine. Mais avant que le siècle ne s'achève, un autre épisode plus circonscrit verra Karl, qui vous voyez ici dans un portrait en pierre dure, l'engraffe de Hesse Cassel, de retour d'un séjour à Florence, obtenir de l'avant-dernier grand-duc comme trois, prodigue comme son bisaïeul Ferdinand Ier d'œuvres et d'artistes de pierre dure, de faire venir à sa cour Francesco Mugnai, spécialiste en entaille sculpturale, c'est l'auteur de ses portraits, Une taille sculpturale que les goûts plastiques du baroque, alors dominant dans la manufacture florentine, avaient porté à une extrême perfection, comme on voit de ce reliquaire avec l'enfant Jésus, taillé par Giuseppe Antonio Torricelli, auteur du traité dont nous a parlé hier Madame Sicca, et encore cet ange de l'Annonciation dans une bénitier qui se trouve au Museo dell'Opificio, et vous voyez la douceur et l'habileté de cette tête qui est taillée d'un calcédoine où les nuances sont naturelles et sont utilisées pour le blanc de la chevelure et pour la chair. Et à une autre princesse allemande, Augusta Sibylla, margrave de Baden, comme Troyes envoya à la fin de son règne vers 1720 une série d'une centaine de panneaux en mosaïque florentine. Ici, vous voyez un sujet mythologique envoyé à la margrave Sibylla, et ces panneaux, dans les châteaux de Rastatt, servirent à revêtir la Florentiner Zimmer, vous la voyez en blanc noir. C'est le témoignage parvenu jusqu'à nous de ces merveilleuses boiseries en pierre dont on orna un temps les palais Pitti et les villas médicéens des environs de Florence. L'impulsion que les Médicis avaient donnée à leur atelier de cour ne se démentit jamais, même lorsque leur dynastie s'acheva, en 1736. Ce fut pourtant par crainte d'une fermeture imminente que Charles de Bourbon parvint à convaincre une bonne dizaine d'artisans à quitter Florence pour créer à Naples un atelier de pierre dure qui travailla jusqu'en 1860, avec des techniques et un style qui, du moins pendant tout le XVIIIe siècle, restèrent fidèles à leur origine florentine. C'est une console faite vers 1660 à Naples, et qui se trouve à Caserta, et un dessus de table à Vienne, fait à Florence à peu près dans la même période. Vous voyez les styles, les décors est semblable, aussi la présence au centre de la table du collier des perles. Héritier manqué des Médicis sur le trône de Toscane, Charles de Bourbon leur était proche non seulement par des liens de parenté, mais également par sa passion pour les pierres dures, si grande que lorsqu'il passa du royaume de Naples à celui d'Espagne, il fonda à Madrid, en 1761, une seconde manufacture consacrée aux mosaïques florentines, faisant venir cette fois encore des artistes de Florence qui en constituèrent le noyau initial. Dans l'atelier du Buen Retiro, les sujets et les matériaux de mosaïque en pierre dure se présentèrent sous une forme assez différente de leur prototype florentin, comme le montre la magnifique série des 8 consoles, dont la fabrication occupa les dernières décennies du XVIIIe siècle. Vous voyez les pieds très importants avec des bronzes dorés. Les modèles en furent fournis, les modèles pour les dessus des tables, furent fournis par le peintre français Charles-Joseph Flippard, qui d'un côté, par certains caprices des ruines et des décorations marines, comme ce que vous voyez ici, montre qu'il connaissait bien les sujets que le Florentin Giuseppe Zocchi, c'est le peintre auteur de ces tableaux, avait créé au milieu du siècle pour la manufacture de Florence. Et c'est aussi un modèle fait à Florence pour un tableau en pierre dure, mais qui se caractérise par ailleurs, les flippards, de façon tout à fait autonome par ses trompe-l'œil. Voilà une console avec un sujet de trompe-l'œil peint par flippard. Trompe-l'œil qui met efficacement en scène la double illusion de l'objet posé sur le dessus des tables et devenu de pierre. Entre-temps, à Florence, la manufacture était passée sans coup férir de la cour des Médicis à celle de Vienne. La nouvelle dynastie de Lorraine, sur le trône de Toscane depuis 1537, avait certes mis en place une politique d'épargne qui la poussa à fermer d'autres manufactures de Médicis, tout aussi prestigieuses, telles que celles des tapisseries créées elles aussi au XVIe siècle. Mais elle maintint et même restructura l'atelier de pierre dure, lui passant commande de plus de 60 tableaux en mosaïque. Vous avez vu avant les modèles, vous voyez ici un tableau en mosaïque de la série de plus que 60 réalisés pour Vienne sur des modèles du Giuseppe Zocchi que nous venons de mentionner. Celui-ci s'attacha aussi à renouveler le répertoire décoratif des commessi, pas plus des fonds noirs avec des fleurs, des oiseaux, comme dans la tradition du baroque et du rocaille, mais vous voyez ici des sujets qui annonçaient comme ces merveilleux dessus de console avec fleurs et papillons qui se trouvent au Louvre, annonçaient les goûts néoclassiques et qui, de ce fait, emportèrent les faveurs des proches de Napoléon. C'est pour ça que la console se trouve aujourd'hui au Louvre. Au cours de la domination française à Florence, une console ornée de coraux et de coquillages, dont un premier exemplaire, le premier exemplaire est ceci, et a été réalisé pour Vienne et se trouve toujours à Vienne, mais un futuré en 1780 à peu près, un second, une réplique pour les Palais Pitti, et elle fut emportée à Paris, fit un temps partie de l'ameublement de la Malmaison, pour finir ensuite dans les collections des empereurs de Russie, qui l'achetèrent à Hortense de Beauharnais. Et aujourd'hui se trouve à l'Ermitage, s'est transformé, c'est plus en fond de console, mais c'est une table rectangulaire, transformée par les arts. Les motifs des coquillages sur fond de lapis courant dans les mosaïques florentines entre les 18e et le 19e siècle fut celui que choisit Élise Bonaparte comme décoration d'une délicieuse parure des bijoux qu'elle fit monter en or à Paris. Vous voyez ici les particuliers de la pétine, et qu'elle offrit à sa sœur Caroline, reine de Naples. Par contre, les surtout de lapis-lazuli, ornés de motifs guerriers commandés par Élise, n'eut pas le temps d'arriver à son illustre destinataire, son frère Napoléon, car il ne fut achevé qu'en 1815. Après les dernières et moins brillantes années du Grand-Duché de Toscane, qui prit fin en 1859, d'autres souverains tels que Louis II de Bavière et les Tsars de Russie, ultimes représentants d'un monde finissant, se servirent encore de la glorieuse manufacture de Florence. Et vous voyez ici une table qui se trouve dans le château de Lindenhof, fait dans les années 70 du 19e siècle pour Ludwig II. Et la partie centrale, c'est un mosaïque des pierres dures, et les contours, chose plutôt rare pour, Florence, c'est un mosaïque de tesselles. Sous la nouvelle appellation d'opificio delle pietre dure, ce qui avait été jusqu'alors un atelier de cours exclusif, ouvrait ses portes à la vente au public, avec des créations primées dans les expositions universelles, mais trop importantes et trop onéreuses. Vous voyez un grand panneau créé comme pour une armoire ou une jardinière monumentale. Mais ces choses-là étaient trop onéreuses pour le goût et les moyens de la bourgeoisie fin des siècles. Plutôt que d'abandonner la voie de l'art pour emprunter les plus modestes sentiers de l'artisanat, l'opificio a préféré consacrer, de la fin du XIXe siècle déjà, ses ressources des techniques et des cultures manuelles au domaine de la restauration, qui commençait alors à naître et dans lequel il n'a fait que se développer. Et nous avons... la prochaine, s'il vous plaît. Ici, vous voyez un détail d'une dessus de table fait à Florence à l'époque de Ferdinand Ier, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, qui se trouvait dans le dépôt du Prado parce qu'elle était très damagée. Et vous la voyez ici, avant la restauration, pour laquelle le Prado l'a confiée à l'opificio, et ici, après la restauration. Orientation, celle de la restauration, que nous poursuivons dans l'espoir de transmettre aux générations futures un savoir et un art fort ancien, mais miraculeusement préservé, au service de la conservation d'un patrimoine artistique commun. Merci pour votre attention.